Mercredi 23 février 2026. Il est 20h et bon, déjà une minute de passé. C'est Pyongyang City Rockers numéro 423 qui commence jusqu'à 21h avec vous. On va passer beaucoup de musique. Il fait trop chaud donc tout le monde s'est déclaré malade ou occupé à autre chose. Eh bien, pour l'instant, Ishbin tout seul, c'est votre Stéphane préféré. Ah, il y a du monde qui arrive peut-être. On va commencer avec quelque chose qui passe ce soir maintenant, dans pas longtemps du tout, au High Voltage à Lille, 151 rue Solferino. C'est Faints, ils viennent de Normandie. Il y aura aussi Without Skin et avec nos Dunkerquois préférés, parmi les autres préférés Dunkerquois quand même, c'est Veto. Et donc Veto, Without Skin et Faints ce soir au High Voltage, prix libre me semble-t-il. Ça commence à cette heure. Précipitez-vous-y si vous n'avez pas envie de rester comme une patate de canapé à écouter cette émission toute pourrie. De toute façon, après ça, il y a un podcast, un replay, ce que vous voulez. Vous l'appelez comme vous le voulez. Pour l'instant, bien, voici Faints avec le titre AFI, A-F-I, Faints. Ouais, j'ai mal annoncé à tous ces gens. Les Faints, ils viennent de Rouen et Without Skin, Chaotic Hardcore, que je passerai pas ce soir, mais qui passe ce soir au High Voltage. En fait, l'ouverture des portes, c'était à 19h30. Without Skin sont du Havre. Ce soir, ils seront en compagnie de Veto, les excellents. Maintenant, du gros bourrin qui va passer demain soir, Chaye et Sedouk, à la Brad Kev. Il y aura Grid Iron, Despise, Demonstration of Power et Broken Ankles. Autant dire que ça va pas pas enfiler des perles, c'est du hardcore qui tâche, légèrement teinté de métal quand même, voire de rap. Voici donc Gridiron qui passe demain soir à la Brat. Le titre que je vous passe maintenant, c'est Mascotte. Une petite nouveauté maintenant j'aurais dû vous placer la semaine dernière, j'ai vraiment pas eu le temps. Voici donc Vanilla Blue, c'est un groupe qui avait déjà sorti au moins un album il y a un paquet d'années quand même, je pense que c'était avant le Covid. Ils sont de Saint-Etienne, ils ont sorti un titre qui je pense préfigure un futur album à sortir chez 19 Something et puis d'autres labels. Enfin, 19 Something c'est suffisant. Les voici, ça va un petit peu calmer le jeu. Vu que c'est un peu plus mélodieux, Vanilla Blue avec Blow Me Away. Time and love, anytime, anytime. Là, on va vraiment se calmer avec Animal Mort, que on vous a déjà passé dans cette émission. Les voici, en tout cas, qui vont faire un petit concert ce dimanche au Bel Ouvrage. Le Bel Ouvrage, 4 Parvis, Saint-Michel, Lille, bah, pas loin du tout, la place de la République. Donc, vous y allez. Il y aura en plus DJ Hot Head. Ce sera au Belou à partir de 21h dimanche 1er mars. Le petit son du dimanche, comme me dit la personne sympathique et bien intentionnée qui m'a envoyé ça tout à l'heure. C'est vraiment une nouvelle toute fraîche, toute chaude. Les deux à la fois. Voici donc Animal Mort avec Cave de Lille en attendant de les retrouver en live au Belou ce dimanche. Je regarde dans la flamme le père. Vous venez d'écouter Blessure avec Ils sont partout sur Campus 106,6 et Pyongyang City Rockers numéro 423. Ouais, alors ce Blessure là, Ils sont partout, bah ouais, ça parle de flics. Des fois même sans uniforme, voire même des gens qui croient être contre les flics et qui par contre passent leur temps à fliquer leurs congénères ou les gens qu'ils fréquentent. Bref, je voici encore un petit truc qui va passer ce week-end quelque part dans le coin. Ouais, le coin un peu loin vu que ça sera au Cobra Jaune, Bruxelles, boulevard du Midi numéro 75. Il y aura Ultra Moderne avec Switches et La Marmite pour un concert plutôt électro chose. Voilà, voici donc un petit truc d'électro clash avec Ultra Moderne. C'est des Français, mais je ne sais plus d'où ils viennent. J'aurais dû mieux préparer cette émission. Les voici en train de se lamenter sur le fait que le temps n'est qu'une perpétuel recommencement, étant donné que maintenant nous n'avons jamais été aussi vieux qu'aujourd'hui. En fait, c'est toujours les mêmes trucs qui se passent, mais à quand aurons-nous du nouveau? On ne sait pas. Voici Ultra Moderne, toujours moderne, mais de la même façon qu'on voyait la modernité il y a 20, 30, 40, 50 ans. Ultra Moderne avec nous n'avons jamais été aussi vieux qu'aujourd'hui. À l'instant, c'était Gold Cup. C'est pour mémoire, c'est un groupe qui passe ce soir, ou déjà, zut, je ne sais plus. Je consulte les fichiers à très loin, à Antwerp Music City, à Anvers. Donc, c'est un groupe de Manchester au Royaume-Uni. Et ils sont accompagnés de Kobe One and the Full Sax. Eux, c'est un groupe belge qui fait aussi du garage un peu lourdos, comme ce que vous avez entendu. C'est Antwerp Music City. Si vous avez vraiment quelque chose qui va très vite sur l'autoroute, vous pouvez encore peut-être assister, peut-être à la deuxième partie, on sait pas. Gold Cup, le titre, je me souviens plus, 0%. Voilà. Je continue ma revue des concerts du week-end. Je vais repasser à quelque chose qui va passer à la Malterie ce samedi. Il y aura November et Drops, donc deux groupes de la région Nord-Pas-de-Calais. Moi je dis toujours pas Hauts-de-France. Bref, deux groupes du Nord-Pas-de-Calais avec aussi Northwalk, eux ils viennent du Canada, du Québec, il me semble. On va donc pouvoir les écouter tout de suite, mais d'abord, j'ai déjà dit que ça se passe à la Malterie. Et ben donc il n'y a plus qu'à écouter Northwalk avec Counting Days. Vous êtes perçus comme des vandales, en fait. Là, je lance tout. Non, on va pas l'envoyer tout de suite, ça, c'est flamèche. Il faut que je vous annonce quand même qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui vont passer ce samedi au CCL. Dès que je retrouve l'annonce, je vous en parle. Ça y est, il a disparu. Donc, au Centre Culturel Libertaire, ce samedi, il y a une journée. Eux, ils appellent ça soirée, mais en fait, ça commence à 14h, qui s'appelle cet après-midi rap s'appelle Space Wave, en soutien aux familles de victimes de violences policières. Il y aura donc à partir de 14h un atelier rap, ensuite il y aura table de presse, puis cantine, puis un open mic à partir de 19h, non à partir de 20h, et à partir de 21h des concerts avec KFRA et SNEF, puis Soma, puis Flamèche, puis Mickey au Miel, puis Chun, puis puis ATR et Zazou. Tout ça donc au Centre Culturel Libertaire, 4 rue de Colmar, à Lille-Loisem. À prix libre, bien sûr, comme d'habitude, au CCL. Donc ça commence à 14h pour les gens qui veulent participer à, à l'atelier où il y aura une écriture et l'enregistrement d'un son collectif qu'on pourra peut-être écouter un jour, va savoir. Ça s'appelle donc Space Wave. Plus d'informations sur shpunk.org et puis aussi sur le site du Centre Culturel Libertaire. Vous cherchez sur Internet, hein, c'est bon. Et puis bah, maintenant, vous pourrez écouter deux choses qui vont passer ce samedi au CCL. Premièrement, Flamèche avec Le Monde Part en Couille. Et ensuite, KFRA, Roubaix, RPZ. Le KFRA qui va nous faire un spin nocturne. Pour l'instant, Flamèche. Vous êtes perçu comme des vandales, en fait. La violence dont j'use, je la trouve légitime, mais parce que je l'utilise pas comme tout. Nous, on a des objectifs en termes de casse qui sont clairs. Ce qu'on appelle le Black Bloc, en tant que ce qu'on pourrait appeler un casseur. Mais en fait, c'est pas les individus qui le composent. C'est un mode opératoire, une pratique, en fait, de manifestation très offensive ou très violente qui est née en Allemagne, pour résumer, dans les années 80, pour empêcher les expulsions de squatteurs. Ça s'est répandu en France vraiment massivement pendant la loi de travail. Bon. Le Pen est mort, mais il reste la fille. Le soir, je m'endors. Je rêve qu'elle perde la vie. Entends-tu le bruit des bottes qui résonnent dans le pays? La montée de l'extrême droite, le retour du fascisme, la police qui tranquillement assassine Adama Traoré, Amalie Koussekine, Akab. Nique la bac, Akab. Nique la paf. Des contrôles aux faciès en sortie de métro. On boulie la jeunesse qui se bat pour sa peau. Elle me maudit. Sort avec une pédo, première dame. Qui pécho en ado, le monde part en couille. Mais ça c'est pas nouveau, le monde part en couille. Et c'est pas Jojo, le monde part en couille. Oh, le monde part en couille. Oh. On peut pas dire qu'il y a une idéologie précise dans le bloc. Actuellement, on peut avoir des communistes, des anarchistes, des gens qui vont dire maoïstes, sadinistes, ou même situationnistes, si on va là-dedans. Mais le bloc, c'est juste un mode d'action, c'est pas un parti. En France, il est de gauche. Le monde part en couille, mais ça c'est pas nouveau. En termes de gros bâtards, je crois qu'il y a du niveau. Le monde part en couille, mais ça c'est pas nouveau. Le monde part en couille, mais ça c'est pas nouveau. En termes de gros bâtards, je crois qu'il y a du niveau. Le monde part en couille, mais ça c'est pas nouveau. Pour le Soudan, du Congo à Gaza, Trump voudrait le Groenland, c'est un ouf celui-là. Y'a la ICE qui débarque, qui profane des menaces, qui croit qu'il y a des races, non sérieux, quelle audace. Nique les USA, nique bien les ricains, nique bien ses soldats. Force à tous mes copains qui de partout résistent contre ce monde pourri. Nique le capitaliste, gloire aux anarchistes. Gloire aux anarchistes. Gloire aux anarchistes. Gloire aux anarchistes. Gloire aux anarchistes, monte avec moi. Sur les barricades, fous le feu au trottoir, t'as des briques sur la bague, si tu finis en gaffe, t'inquiète, on sera là devant le commissariat pour que tu sois libérable. Le monde part en couille, mais ça c'est pas nouveau. En termes de gros bâtards, je crois qu'il y a du niveau. Le monde part en couille, mais ça c'est pas nouveau. Le monde part en couille, mais ça c'est pas nouveau. En termes de gros bâtards, je crois qu'il y a du niveau. Le monde part en couille, mais ça c'est pas nouveau. Les devants, je suis plus ferré, je manque pas d'air. Gros l'inspire arrive en même temps que la lumière des lampadaires. Rien à branler de ce qu'ils disent, mes rêves dorment à côté d'Isis. Critique pas l'édifice, c'est pour y placer une pierre, t'es en galère. Les gens sur les flaques gelées qui glissent dans nos comtés, c'est gris, ce récidif comme les bitches affolées qui tissent prédiblis. J'écris depuis petit frère, lors des nuits d'hiver, je fais ce que j'ai à faire. Comme un suicidaire au bord du précipice, je craque des fois, c'est cramé, frérot, tout est vague. Grave chez moi, je me barre et je vois les arrêts de métro où les schlagas m'égrippissent avant qu'elles se finissent. Mon enfance était heureuse, telle d'Isis. Je craignais la mort sans savoir que c'est via la vie que mes plaies s'immiscent. J'aime kicker des productions, soigner les locutions. Je fais que m'apitoyer, c'est plus simple que trouver des solutions. Je voulais y croire un temps que l'avenir soit clinquant. Mais quand je me vois maintenant, je me demande si je peux parler d'évolution. Mes anciens rêvent pas préserver ce vôtre. Qui s'auto-tue comme Kitano ou que je tue comme à Chicago, c'est bizarre gros. L'espoir on se l'est mis à dos. Je le fais pour le kiff, pas trop pour que ça éclaire les nôtres. Je passe ma vie d'ado à regarder celle des autres. Je rappelle, je guette mes fautes. J'ai pas été tout le temps bon, souvent con. Je me sens vaincu face à la vie, je trouve le temps long. Mes tourments sont venus bien avant la barbe sous le menton. Pas besoin d'être Copernic pour remarquer que je tourne en rond. Est-ce que le rap va remplir mon frigo? Je suis au courant que non. On se plaint des guerres pourtant, on en a rien à foutre dans le fond. 16 ans, je me suis tellement manqué, j'écoute sans son. Je tiendrai pas le coup sans le rap, je tiendrai pas le coup sans le son. Gros, en vrai, j'ai pas morflé, la vie d'un n'est pas cru. Je voulais trop trancher les bras de Morphée, car il me gâchait la vue dans la vie. Faut changer mes passes, forcer, se rappeler les ma portée. De match a pas commencé, je déclare forfait. L'avenir paraît que ça pue, ça dit pas que c'est de l'abus. Je suis pas de sèche là qui crame des alus. Dans mes couplets, je suis honnête, mais mentir à ce qui paraît, ça tue. Tu fais le vaillant, mais on vit, on meurt, on périt. Il faut s'épuiser pour pas être ruiné comme Pompéi. Faut que j'évolue, mais cette époque est révolue. Je veux pas percer en vrai, faut qu'être connu dans son pays. Le ciel comme le béton aigri. Opéra, on dédie de longs récits. Sans ça, on faiblit. Les cahiers ont des petits sons écrits. Chez nous, c'est ancré. Le stylo big fait passer le temps. Immobile, quand j'ai les yeux hypnotisés par l'écran. Quand t'es fragile, c'est important de pas le dire. Avec une pote dans le navire, on passe notre temps à rire. Sur notre manque d'avenir. La politique, je m'en fous, j'ai pas l'âge. J'aime faire mes couplets, mec. Quand y'a trop de compliments, je suis gêné comme pendant le cours d'esclavage. Gros, c'est vraiment chaud, je vais pas percer en vrai, je m'entête. La mort rend les gens beaux, l'amour rend les gens bêtes. KFRA à l'instant à l'antenne de Campus 106,6, DAB+, Canal 7C et campuslille.com pour les gens qui nous écoutent de loin ou simplement sur leurs ordinateurs. KFRA, le titre c'était Un Spi Nocturne et il passera ce samedi soir au Centre Culturel Libertaire à Lille. Revenons à nos moutons punk. Enfin, en parlant de moutons, non, ce ne sont pas des moutons, c'est plutôt un chien et un cheval. C'est le concert absolument ébouriffant auquel vous pourrez peut-être assister ce dimanche au Pizza Courtrai. Il y aura en effet un groupe autrichien qui fait du punk, limit egg punk, hyper dog, hyper chien donc. Et puis il y a un groupe gantois qui fait de l'egg punk réellement là, qui s'appelle Racehorse Pablo. Il est question de cheval très certainement. Il y a d'ailleurs une très belle affiche, un très beau flyer qui nous illustre tout ça. Et bien on va pouvoir les écouter dès maintenant. Premièrement, donc voici Hyper Dog avec HTBH et ensuite Racehorse Pablo avec Frogs. Encore des animaux, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Poète, c'était Racehorse Pablo, juste à l'instant. Avant, ça c'était Hyperdog. Ces deux groupes, vous pourrez les retrouver au Pits Sintrocusland numéro 1 à Courtrai ce dimanche à partir de 18h et pour 10 modiques euros l'entrée. Même que c'est gratos pour les étudiants, comme toujours au Pits. Par contre, je me suis jamais posé la question si étudiant français ça marche aussi pour rentrer gratos. Bon, bah, je sais pas, faudra que je demande. Moi, je suis un petit peu trop vieux pour être étudiant. Un truc de vieux aussi et qui parle d'animaux puisqu'on a été aux chiens, aux grenouilles et puis aux chevaux juste avant. Bah là on va parler de chats. Enfin c'est plutôt Goura qui vont nous en parler. J'avais déjà passé ce titre il y a quelques semaines mais malheureusement de manière totalement incomplète. Voici donc Goura avec la pêche aux chats. Ouais, c'était Gura avec Ludo qui joue du saxo. Le titre, c'était La pêche au chat. Vous écoutez Pyongyang Sea Rockers. C'est le numéro combien déjà ? 423. Et vous êtes bien sûr à l'écoute de Radio Campus sur 6,6 et tout le bordel. On est ensemble encore pour un petit 10 minutes. On va pouvoir revenir à des choses beaucoup plus classiques. En effet, ce vendredi, qu'y a-t-il au bistrot de Saint-Saube ? Il y aura du rockab. Donc faites-vous votre plus belle banane et foncez en essayant d'éviter les mauvaises rencontres, parce que c'est quand même un style musical qui peut attirer des gens bizarres. Il y aura donc Spunny Boys, The Christines, et puis deux DJ sets avec Joe Vibrato et DJ Papa ou Mau Mau. Ça sera au bistrot de Saint-Saud, 17 boulevard JB Lebas, comme on dit, à partir de 20h. L'entrée est gratuite comme en pareil cas et en pareil lieu. Voici donc Spunny Boys avec Destination Unknown. I'm saying waste of this land. Revolt. Life's a constant struggle, and when we move, we feel the chain. The chain. A revolt every day when I hear them say that we should work a little harder, just make it pay. Revolt. Revolt. Revolt. Revolt. Revolt when I see the funny government to tell the people it's a puppet under spell. Revolt, revolt, revolt, revolt. They don't care about us. We're like cattle in a cage. Revolt. Waiting for the slaughter. Tomorrow's free, my country late. Revolt. Well, I can't stand to see you get walked down and thrown away. Revolt. I'll revolt every day when I hear them say that we should work a little harder, just make it pay. Revolt. Revolt. Revolt. Revolt. I'll revolt when I see the funny government to turn the people into puppets on the spell. Revolt. Revolt. Revolt. À l'instant, vous venez d'écouter les Danois de The Movement avec Revolt, une belle vidéo à voir avec plein de gilets jaunes. C'est vachement bien. On se quitte avec un petit truc de, eh ben, qui arrive maintenant. C'est Gribitch qui seront demain soir au High Voltage avec Tronk. Eh ben, Pyongyang City Rockers numéro 83, c'est déjà fini. Show. Welcome. En plus, il parle en français, hein, t'as vu. Baby Show Special with Biggs. On se retrouve la semaine prochaine pour le 424e numéro de Pyongyang City Rockers. Normalement, on devrait avoir du monde de la Freaky Family pour nous parler de ce qu'ils vont faire comme festivité au garage les 7 et 8 mars prochains. Allez, on se quitte et puis on n'oublie pas All Fafar Bastards. Radio Campus, il est 21h.